Être libre du collectif involutif polarisé. C'est le titre de cet enregistrement qui est fait lors du mois d'octobre de l'année 2023. Donc, l'individu qui vit d'une conscience individuée est appelé à fonctionner d'une manière indépendante des aides issues de l'involution et de la société ou de la culture dans laquelle il se trouve, en ce sens qu'il n'est pas soumis aux mémoires collectives. Il est distant par rapport à ça, puis il est capable aussi de freiner les intrusions sur sa psyché que cherche à faire certaines forces pour des raisons de programmation sociale, de conditionnement. Les forces de collectif involutif vont toujours chercher à créer de la polarisation, de la dualité, parce que les êtres issus de l'involution sont régis par des formes. Or, il y a différents êtres, il y a différentes formes, il y a différentes cultures, toutes les formes qui sont différentes sont, comment dire, leur divergence est propice à des oppositions. Et tant que les gens sont embrigadés dans des formes psychologiques, sont pris là-dedans, ben ils vont vivre des oppositions, puis ils vont être programmés par le collectif pour nourrir de la rivalité par rapport à différents peuples et être polarisés. Les forces involutives polarisent les individus et les collectivités, alors que l'individu qui est un nouveau initié, dans le sens qu'il voit clair par rapport à la manipulation, dans le sens que son regard est initié à une nouvelle perception du monde et de la réalité, voit clair dans les jeux de manipulation, d'induction hypnotique qu'on peut lui faire dans sa psyché, et à l'adhésion à un récit collectif. L'individu fusionné n'adhère à aucun récit collectif qui l'amène à se soumettre à une idéologie ou une programmation mémorielle par rapport à un peuple spécifique, parce qu'à ce moment-là, ça va à l'encontre de sa capacité de rester en état d'unité psychique avec l'esprit dans le ici et maintenant, en fonctionnant de sa conscience en état d'harmonie avec l'esprit qui est vibration et non pas forme. Les formes sont le produit d'une expression vibratoire résiduelle du passé, d'une créativité qui appartient à un moment qui a déjà été vécu à un moment donné. Or, tant que l'individu est soumis à la forme, eh bien, il va polariser, surtout si les gens n'adhèrent pas aux mêmes formes que lui, ce qui va créer des conflits, ce qui va créer des guerres, ce qui va créer le dédale involutif et les tensions géopolitiques qui vont être vécues au niveau international. Mais ça, c'est le lot de l'involution. Et c'est sûr que par rapport à ça, ce qui a été dit, c'est que l'individu qui a à transiger avec des êtres collectifs, il n'y a pas à se faire engluer par eux. Donc là, c'est sûr que les propos tenus depuis tantôt sont beaucoup dans le sens du principe à caractère abstrait. Je vais parler du concret. Au moment où vous faites cet enregistrement au début du mois d'octobre, eh bien, dans les médias occidentaux, il est question d'une attaque qui aurait été commise par des membres du Hamas, donc une organisation palestinienne, contre Israël. Et là, il y aurait eu plein de gens là, qui auraient été tués là, par les membres du Hamas, donc des gens de tous les âges, dont notamment là, des femmes, des enfants, donc plusieurs personnes. Donc ça, c'est l'événement qu'on nous présente dans les médias. Et par la suite, les commentateurs médiatiques ici au Canada, où ce que je suis, vont dire « c'est horrible, c'est de la barbarie », et ils vont dire que tout notre soutien va à Israël, on condamne le terrorisme qui a été commis, puis là, il y a les États-Unis qui offrent tout leur soutien à Israël, dont un soutien militaire. Et la façon qui dépeint les événements, c'est que les médias ont un parti pris au niveau des médias de masse. Donc, dans les derniers jours, ça a donné que j'ai écouté Radio-Canada, TVA, et je vois clairement qu'il y a un parti pris pro-Israël. Et le Canada prend position avec des politiciens là, pour Israël. Moi, avec ma conscience, premièrement, je vous dirais que de plus que j'intègre mon individualité, plus que je prends une distanciation psychique par rapport à l'identité que le contexte culturel m'a attribué de Canadien. Et je suis, dans le fond, le Canada prend position, dans le fond, par rapport à Israël, un peu comme les États-Unis. Bon, ça appartient au Canada. Moi, je suis distant de ça. Moi, je serais plutôt d'avis qu'il faudrait investiguer avant de, comment dire, d'adhérer à un récit collectif, les fondements de tout ça pour voir sur quoi ça réside. Parce que ça, il faut comprendre que l'État d'Israël, à la base, en 1948, a été construit sur des terres qui appartenaient à des Palestiniens qui ont été chassés. Donc, on a demandé à des gens de quitter une partie de leur territoire pour la construction de l'État d'Israël. Par la suite, de 1948 à aujourd'hui, bien, naturellement, des gens qui sont chassés de leur territoire, ça se peut qu'ils ne soient pas contents. Et il y a eu différents affrontements, différents conflits, donc une tension perpétuelle. Il y a des gens qui manifestent pour qu'il y ait un État palestinien qui soit fort, qui soit reconnu internationalement. Et il y a eu, c'est sûr, c'est des conflits politiques. Et on nous présente un portrait où on met l'emphase sur les gens d'Israël comme étant les pauvres victimes et que les gens de la Palestine sont les plus particulièrement le Hamas, là, pour être plus précis, qui est un groupe armé, entre autres, là, qui cherche à s'opposer vigoureusement à Israël comme étant les bourreaux, comme étant les méchants. Donc, les clans sont définis en fonction du narratif officiel. Et avec ça, il y a une construction sociale, un peu comme la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine, ce qui a été déterminé dans les médias de masse, puis tout le discours va dans ce sens-là, c'est que le gentil, c'est Zelensky, puis l'Ukraine, puis les méchants, c'est les Russes. Alors que ma vision des choses va au-delà de cette polarisation médiatique. Donc, c'est sûr que quand on en regarde par rapport à l'événement, là, l'attaque qui a été faite contre Israël, simultanée par plusieurs personnes armées, plusieurs centaines de morts, quand on en regarde ça, on peut dire « Ah, ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de bon sens, c'est du terrorisme, ça doit être condamné internationalement. » Et ça, c'est la vision qu'on nous présente, mais si on met en contexte l'enchaînement des événements depuis 1948, ben il faut regarder que quelque part, il y a peut-être des gens en Israël que depuis plusieurs décennies ont fait des... en Palestine, qui ont fait des manifestations parce qu'ils n'étaient pas satisfaits. Du fait qu'ils ont perdu du territoire. Le territoire de la bande de Gaza a diminué avec le temps. J'avais vu des cartes sur Internet. Ensuite, il y a eu toutes sortes de choses qui ont eu cours. Mais avant de porter un jugement pour prendre un parti plutôt que l'autre, ben, il faut regarder les deux côtés de la médaille. Donc, ça se peut que des gens qui souffrent depuis plusieurs décennies en lien avec les politiques d'Israël qui sont vraiment désespérés puis qui cherchent à commettre des meurtres puis comme une forme d'extériorisation de souffrance. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Non. Mais si ces gens-là, parce qu'il y a eu des manifestations qui ont été faites au fil du temps, il y a eu même des gens là, au Canada qui ont manifesté pacifiquement pour qu'il y ait plus de reconnaissance des Palestiniens, etc. Fait que si les moyens pacifiques donnent rien, il y a peut-être des gens désespérés qui vont tenter d'autres moyens. Donc, si je voudrais faire le procès de l'événement, je le ferais avec ma conscience individuelle. Parce que les médias vont dire, bon, un tel c'est le méchant, un tel c'est le bon. Puis là, tout le discours, tout l'argumentaire est polarisé dans un sens plutôt que l'autre. Mais il faut réaliser que c'est des jeux de manipulation de l'information. Et ça va créer du consentement social pour il y a des choses qui sont dites dans les médias, comme par exemple suite à l'attaque qui a été meurtrière pour plusieurs centaines de personnes en Israël, comme mesure de représailles, il y a des bombardements là, naturellement là, des endroits dans la bande de Gaza associés au Hamas. Mais ça a aussi des dommages de civils qui se font détruire leurs maisons. Il y a aussi comme mesure qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont coupé l'eau et l'électricité de Palestiniens. Ce qu'il faut réaliser, c'est que ce n'est pas tous nécessairement les Palestiniens qui sont pour le Hamas. Puis il faut réaliser aussi qu'à quelque part, est-ce que de couper de l'eau et l'électricité à des êtres humains, c'est quelque chose qui va favoriser un processus de paix et de réconciliation dans la région où ça va mettre de l'huile sur le feu puis ça va faire peut-être des vocations aux martyrs parce que si la personne elle se fait couper l'eau, la nourriture et des restrictions très strictes puis la personne souffre de ça, ben peut-être que la personne qui hésitait entre joindre ou non un groupe terroriste, peut-être que ça risque, dans certains cas, amener des gens à des vocations martyrs. Donc, c'est de voir si ça va être utile et efficace pour ramener une paix durable dans la région. Puis aussi, le phénomène d'hypnose médiatique que j'observe souvent. C'est-à-dire que vous pouvez prendre quelqu'un sur la rue et vous lui posez la question, est-ce que ça a de l'allure que, par exemple, un peuple empêche un autre peuple d'avoir accès, par exemple, à l'eau, à l'électricité, ou des restrictions très strictes au niveau de la nourriture? L'autre personne va dire, ben non, ça n'a pas d'allure, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime de guerre. Puis là, après ça, on parle d'une situation puis où est-ce qu'on crée un consentement social alentour d'Israël dans les médias occidentaux. Pendant plusieurs jours, est-ce qu'on dit ça pas d'allure la violence que subit Israël, que c'est de la barbarie, c'est du terrorisme. Et là, on pose la question à la même personne quelques jours après, est-ce que ça a du bon sens ce qu'ils font? Et probablement que la personne va dire oui, parce que c'est justifié compte tenu de l'ampleur des attaques, etc. On peut modifier la façon de penser d'une personne, on peut la programmer à travers les médias. Et derrière tout ça, c'est les forces involutives qui sont déchaînées. C'est l'attachement à la forme qui peut maintenir un état constant de tension dans certaines régions. Il y a des gens qui sont associés à une religion. D'autre côté, il y a des gens associés à une autre religion. Donc, les religions lient les individus par rapport à des manières de penser, par rapport à des formes, par rapport à des coutumes. Et comme il y a des divergences, il peut y avoir la religion, il peut y avoir l'ethnie. Bon, mais tant que les gens se définissent en fonction de la forme, c'est-à-dire la structure religieuse dans laquelle ils appartiennent, leur ethnie, leur passé socioculturel, ben, ça crée des foyers de divergence potentielle et de conflits. Parce que si les gens, au-delà de le conditionnement culturel, religieux, politique qu'ils ont connu dans le passé, sont capables de se lever au-dessus de tout ça parce qu'ils ont accès à une conscience vibratoire, ben, à ce moment-là, les gens sont plus soumis à ça. Ils peuvent regarder les choses avec plus d'objectivité. Ils peuvent se sortir l'attachement de certaines formes qui les gardent dans une dynamique du conflit, du combat avec des gens qui adhèrent à des formes divergentes au fil du temps. Donc ça, c'est le regard que je peux poser. Est-ce que, dans le fond, de créer de la polarisation qu'un groupe est meilleur que l'autre et d'amener... Bon, ça appartient aux dirigeants du Canada, c'est son pro-israélien. Puis là, j'avais vu... au Québec, on a François Legault qui disait qu'il était honteux qu'il y ait des manifestations de Palestiniens, pro-palestiniennes au Québec. Ben, suite aux événements, ben, il y a un rôle à regarder sur la pertinence d'aller dans un sens de polarisation. Moi, en tant qu'individu, je suis né au Canada, mais je ne suis pas nécessairement en accord avec les positions du Canada. Je ne suis pas pro-palestinien en passant, là, plutôt que, dans le fond, je ne suis pas, comment dire, d'un camp comme de l'autre. Là. Je ne suis pas pro-israélien ni pro-palestinien. En fait, j'aurais tendance à dire que je suis plutôt pro-humain au-delà des formes puis des structures. Même chose par rapport au conflit entre l'Ukraine et la Russie. Dans le passé, il y a eu d'autres conflits qui ont créé des clivages, de la polarisation. Il y en aura sans doute d'autres dans le futur, car le conflit est quelque chose qui est inhérent à l'adhésion psychologique des êtres humains à des formes. Tant que quelqu'un donne l'importance à une forme et qu'il évalue l'autre forme qui n'est pas pareille comme étant pas belle, étant moins bonne, ben c'est sûr qu'il va y avoir un conflit. Tant que les êtres humains ne sont pas capables de transcender, de dépasser, d'aller au-delà de l'adhésion à la forme, sont piégés dans des conflits perpétuels qui maintiennent l'évolution. Donc, et par rapport à la situation présente, est-ce que je suis dupe de qu'est-ce que nous rapportent d'une manière polarisée les médias occidentaux? La réponse, c'est non. C'est sûr que j'ai des questionnements dans le sens que, d'un côté, on nous parle d'attaques spectaculaires qui ont eu cours là, en Israël. Moi, la question, puis ça a été des attaques sur plusieurs fronts. Et c'est sûr que, dans le fond, mon questionnement que j'ai, parce que dans le fond, quand même, en Israël, le Mossad, c'est quand même une organisation solidement établie qui font de la surveillance par rapport à des attaques. Israël a accès à des caméras de surveillance, il a accès à de la technologie. Ça fait plusieurs années qu'ils vont suivre, entre autres, du mouvement du Hamas. Et tout d'un coup, il y a des attaques sur plusieurs fronts qui vont ébranler la population d'Israël. Comment est-ce que ça peut arriver? Des fois, je me pose, quand je regarde ça, des questions. Parce que quand on regarde les choses d'une perspective politique, on peut voir que stratégiquement, qu'il y ait des attaques qui fassent mal, tu sais, dans le sens que des enfants qui sont tués, des femmes, ça peut servir par la suite à justifier certaines politiques d'un peuple au détriment d'un autre en disant, ben regardez, si on prend le contrôle de la banque de Gaza ou on fait la guerre, c'est justifié, ils ont tué des femmes et des enfants, c'est des crimes contre l'humanité. Mais c'est de voir aussi est-ce que la possibilité que les attaques, tout au moins une partie, a été laissée faire par les dirigeants d'Israël, c'est une question que je me pose. En fait, stratégiquement, on l'a vu sur le plan historique par rapport à Pearl Harbor. Donc, c'est-à-dire que les Japonais avaient attaqué Pearl Harbor. Et les autorités américaines avaient intercepté le message, la communication, comme de quoi qu'elle allait attaquer. Et d'une manière volontaire, ils ont omis de transmettre l'information aux gens qui étaient à cet endroit pour, par la suite, justifier la guerre contre le Japon. Donc, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont fait la guerre aux Japonais. Bien, ce qu'il faut comprendre, puis si on l'a su longtemps plus tard, en tout cas pour moi, là, c'est que, à quelque part, c'était voulu qu'il y ait des attaques qui soient perpétrées par les Japonais à Pearl Harbor sans que les civils américains sur place soient avertis. Pourquoi? Bien, pour dire, ben regardez, les Japonais nous ont attaqués, ils nous ont pas tenus au courant, ils ont attaqué des civils sans prévenir, c'est des lâches. C'est une abomination, ainsi de suite, pour justifier par la suite la pertinence que les États-Unis entrent en guerre contre le Japon. Donc, ça crée un événement choc. Mais ça, c'est une stratégie militaire, c'est-à-dire omettre volontairement de transmettre l'information, quitte à ce que la vie de certaines personnes soit sacrifiée, mais au nom d'un agenda collectif qui transcende la vie des individus, pour un plus grand bien. Donc, ça, c'est une perspective idéologique, philosophique. qu'ont certaines personnes. Donc, dans certains cas, et ça, on va parler de la stratégie Pearl Harbor, dans le sens de... On est au courant d'une information qu'une attaque peut avoir lieu, mais on omet de transmettre l'information pour laisser l'attaque avoir lieu, mais que ça nous permette par la suite de justifier des actions qu'on ne pourrait pas justifier autrement. Dans le sens que si, par exemple, il y a des femmes et des enfants qui sont tués sauvagement, sans qu'il y ait... sans qu'il ait été prévenu, on peut dire, ben regardez, c'est des lâches, c'est des criminels, etc. Donc, l'incident de Pearl Harbor a permis de justifier l'entrée en guerre des États-Unis, de mobiliser la population américaine en disant, ben regardez, les Japonais, ils n'ont pas d'allure qu'ont commis ça, là, ça n'a pas de bon sens, etc. Et là, présentement, l'une des possibilités, c'est que le Mossad était au courant en partie ou en totalité là, de certaines actions qui ont mis de transmettre l'information à la population visée pour ensuite faire des coups d'éclat ou des actions en lien avec la bande de Gaza qui n'aurait pas pu faire autrement. Donc ça, c'est une hypothèse de possibilité. Il y a toutes sortes d'hypothèses quand on en regarde ça. Ça peut être aussi l'hypothèse qu'ils étaient au courant, mais ils ne font pas circuler l'information. Pourquoi? Ben, pour justifier qu'il y ait encore plus d'argent pour faire de l'enquête sur des terroristes potentiels, etc. La personne peut dire, ben, on manque de ressources, donc donnez-nous plus d'argent. Ça peut être une possibilité. Il y a différentes possibilités, mais c'est sûr qu'au niveau de dirigeants, quand on regarde le volet politique, il y a toujours des enjeux qui sont en relation avec l'affiliation à certaines formes. Et c'est sûr que quand je regarde tout ça, ma vision des choses en tant qu'individu est la suivante, c'est-à-dire que dans tous les jeux de polarisés qu'on essaie de nous faire rentrer dans le passé présentement, puis on essaie de nous faire choquer vers d'individus, donc tourner notre colère vers certains peuples en disant ben, tel peuple c'est le peuple russe qui est le méchant, puis le peuple qui est bon, c'est les Ukrainiens. Les Ukrainiens, là, ils font pas de bavure militaire, il n'y a pas des fois des missiles qui envoient qui tombent sur des zones habitées par des gens de la population, il n'y a pas d'enfants, non, il y a de femmes enceintes qui sont tuées, non, ça a l'air que ça n'arrive pas, ou très rarement, si on en reconnaît quelques-unes, alors que les Russes, ben, de ce qu'on nous décrit de la guerre en Ukraine, c'est horrible, les horreurs qu'ils font en population, ils ont attaqué à un moment donné une école, ils ont attaqué un Barmouth avec un quartier plein de civils, là, ça a été une hécatombe, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Donc, et les gens vont par la suite, en écoutant ces bulletins de nouvelles-là, s'identifier à un groupe, à une forme idéologique en disant, ben, dans la morale véhiculée par les médias, les bons c'est les Ukrainiens, les méchants c'est les Russes. Et à ce moment-là, nourrir un jeu de polarisation qui sert l'astral, c'est-à-dire des forces qui se nourrissent de division entre les peuples, parce que pendant que les gens sont occupés à être divisés, à se combattre entre eux, ben, ils ne peuvent pas contester l'astral, parce que leur énergie est mobilisée ailleurs. Donc, lorsque l'énergie est mobilisée d'êtres humains pour combattre d'autres êtres humains ou haïr d'autres êtres humains, à ce moment-là, les gens ne se libèrent pas au même moment du joug idéologique transmis par l'astral, et ils ne vous dévoilent pas aussi toute la dimension occulte, mensonge, propagande médiatique auxquelles sont exposés jour après jour dans l'hypnose collective quotidienne véhiculée à travers les bulletins de nouvelles dans les médias. Donc, par rapport à mon attitude à l'égard de ce qu'on nous dit être les bourreaux, les victimes, je reste neutre. Pour porter un jugement avec ma conscience à l'égard d'individus, eh bien, il faudrait que je fasse l'étude de l'ensemble des faits. Ça, c'est pour porter un jugement psychologique, un peu comme un juge qui œuvre à partir du principe que toutes les parties doivent être entendues. Donc, toutes les parties doivent être entendues. C'est que si d'un côté, on a la version pro-israélienne, ben, il faut regarder aussi qu'est-ce que disent les Palestiniens. Donc, c'est des Palestiniens qui disent que, par exemple, ils ont été chassés de territoire, leur niveau de vie s'est dégradé, ils vivent plusieurs problématiques, ben, c'est d'entendre les différentes parties dans l'optique de porter un jugement éclairé sur la situation et non pas être tout simplement abreuvé médiatiquement par des médias qui nous disent c'est eux les méchants, puis ensuite répéter c'est eux autres les méchants d'une manière machinale. Non. Mais ça prend de l'énergie faire ça. Parce que si on fait l'étude de la nature de la genèse des événements actuels, ben, il faut remonter à 1948 avec la fondation d'Israël, Hugo. Il faut remonter loin. Ça, c'est une étude au niveau psychologique. Au niveau psychique, c'est beaucoup plus simple comme exercice. Au niveau psychique, c'est vibratoirement, je regarde avec l'esprit, est-ce que c'est de mes affaires de prendre pour un peuple plutôt qu'un autre dans un conflit international? La réponse, c'est non. L'esprit me dit, passe pas trop de temps avec ça. Occupe-toi de ta vie, là. Occupe-toi d'être en santé. Occupe-toi de tes finances. Occupe-toi que ça va bien avec ta famille, là. C'est pas de tes affaires. Donc, c'est pas de mes affaires de prendre pour un ou pour l'autre. Mes affaires, c'est de gérer ma vie avec intelligence. Puis c'est pas de faire mon gérant d'estrade non plus, parce que c'est sûr que je pourrais passer la prochaine demi-heure ou la prochaine heure à critiquer les politiciens canadiens, parce que je les trouve polarisés. Mais en même temps, ben, ils vont être confrontés aux oppositions qu'ils engendrent à travers les jeux de polarisation auxquels ils adhèrent. Donc, toute personne qui adhère à une position polarisée qui n'est pas ajustée, tôt ou tard, va être contestée par la force adverse. Ou il va y avoir des échos de ça. Donc, c'est sûr que l'individu qui se rend compte que la Terre, c'est une matrice involutive avec des forces qui sont voulues être en opposition, dans le sens que si on me dit qu'il y a des démarches sérieuses pour qu'il y ait un processus de paix là, entre Israël et la Palestine, je les crois pas. J'ai l'impression qu'il y a présentement des forces qui se nourrissent des hostilités à différents niveaux. Puis c'est géopolitique. Il y a des calculs qui se font en lien avec parce que, dans le fond, Israël et la bande de Gaza sont situés au Moyen-Orient, proches de lieux stratégiques en termes d'approvisionnement de pétrole. Donc, le pétrole étant une ressource qui est encore très utilisée aujourd'hui en Occident. Je veux dire, l'essentiel du parc automobile, c'est encore des autos qui fonctionnent à essence, c'est pas des autos électriques et encore moins à l'hydrogène. Donc, à ce moment-là, si on est dépendant de cette ressource-là, ben, il y a des jeux politiques qui sont en lien avec ça, qui s'opèrent. Mais à un autre niveau, qu'il y ait des oppositions entre des individus, puis les individus soient nourris à regarder continuellement et d'une manière obsessive des bulletins de nouvelles qui font la couverture de ça. C'est pas nécessairement sain. Là, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui se passait dans l'actualité des derniers jours, mais faut pas que ça m'empêche de fonctionner dans le quotidien, dans le sens j'ai d'autres choses aussi à m'occuper. Si j'ai le ménage du plancher à faire, faut que je le fasse. J'ai à faire l'épicerie, les commissions aussi. Je peux pas passer ma journée devant la TV pour suivre la tournure des événements. Mais au niveau de l'esprit, je vais amener quand même une dimension particulière. L'individu qui entre dans son intelligence puis qui l'intègre de plus en plus avec le temps se désaffilie du collectif. L'esprit procède à une exfiltration psychique d'un individu d'un système involutif pour le faire passer à un autre système. Moi, mon regard présentement par rapport à la guerre en Ukraine, il n'a pas changé depuis le début de l'événement qui a eu cours le 23 février 2022. C'est le 24 février 2022 et non pas le 24 février 2023. Bref, ça fait plus qu'un an qu'il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie, ma perspective n'a pas changé. C'est-à-dire que je suis de l'avis en tant qu'individu que le Canada n'a pas nécessairement à prendre parti pris. Puis moi, en tant qu'individu, je suis plutôt neutre en regardant les deux camps, puis que je vois que des deux côtés, il y a de la manipulation. Donc, quand je regarde ça sur le plan humain, ce qui va me mettre en colère, c'est de voir que les gens sont manipulés par des idéologies, malgré eux, qui les amènent de sombrer dans une mécanique infernale de la violence, qui est engendrée. Tu sais, c'est sûr que... Donne un exemple concret. Par exemple, présentement, bon, il y a un camp qui attaque l'autre. Ensuite, il y a une riposte. Puis là, dans la riposte, il y a des gens de l'autre camp qui sont tués. Comme les membres de la famille et les amis des gens qui sont tués sont contrariés, ben, ça peut faire que certains individus parmi eux qui hésitaient avant de devenir un terroriste, ben, le deviennent. Là, ils vont attaquer l'autre camp. Puis là, les gens de l'autre camp sont contrariés. Fait que ça fait des vocations pour faire des soldats pour attaquer l'autre camp et vice-versa. Fait que c'est une dynamique sans fin de conflit, de terreur qui peut être engendrée là, et de représailles perpétuelles. Là. C'est ça le cercle vicieux. C'est ça l'enlisement évolutif. C'est ça l'adhésion à une conscience polarisée qui garde la personne prisonnière d'un narratif polarisant. Puis de conditionnement social qui s'alourdissent avec le temps. Parce que si on prend deux peuples qui sont en guerre depuis 10 ans, c'est une chose. Mais quand que ça fait au-dessus de 50 ans que deux peuples sont en tension perpétuelle avec des attentats une fois de temps en temps, ben il y a comme une normalisation de la situation, une banalisation. C'est comme ça fait partie du quotidien qu'une fois de temps en temps, il y a quelqu'un qui va se faire exploser, il va y avoir des représailles militaires avec des bombardements, avec des missiles, et ainsi de suite. Donc, ça fait comme partie du quotidien, puis ça devient difficile à ce que ça prenne fin, donc parce qu'il y a un enlisement. Les gens sont sur le pilote automatique, puis ils pensent d'une certaine façon polarisée, polarisante. Mais en tant qu'individu, est-ce que moi, je suis, dans le fond, mon énergie, est-ce que je suis en colère contre certaines personnes présentement quand je regarde les situations collectives d'un peuple par rapport à un autre? Non, je reste neutre par rapport à ça. Je vais les regarder tout ça froidement en réalisant qu'il y a des êtres humains que présentement, ils se font tuer parce qu'ils sont prisonniers d'une mécanique psychologique involutive qui les amène dans une spirale infernale de la violence. Et qu'à quelque part, il y a des intérêts qui tirent profit de ça. C'est sûr que le complexe militaire et industriel, ben, ça les nourrit. Donc, c'est sûr que le budget des militaires, que ce soit, par exemple, par rapport à... Je vais regarder ça, disons... Mais tiens, prenons la guerre en Ukraine. Bon, ben, c'est sûr que si les États-Unis dépensent à coups de milliards pour soutenir l'Ukraine sur le plan militaire et que des entreprises américaines produisent des missiles, j'avais vu il y a quelques jours, les Américains ont donné des missiles longue portée, c'est-à-dire sur plusieurs centaines de kilomètres aux forces ukrainiennes, et c'est $1 million pièce. Fait qu'à chaque fois qu'un missile est tiré, tching! Ça vaut $1 million. Or, si, là c'est ça, il faut que je fasse attention aux mots, parce que ça se peut que ça soit donné, mais aussi que ça soit des missiles qui soient octroyés à l'Ukraine, mais qui doivent rembourser leur valeur par la suite. Premièrement, l'Ukraine s'endette beaucoup en lien avec la guerre. Donc, quand tu regardes ça d'une perspective détachée de la situation, l'industriel américain qui produit les missiles, il y a un contrat du gouvernement, donc fabrique-moi telle quantité de missiles. Ensuite, le gouvernement américain, soit qu'il les donne à l'Ukraine comme cadeau, ou il les vend à l'Ukraine, moyennant une dette. Et si l'Ukraine rembourse ou pas, ben si l'Ukraine rembourse, bon, ben c'est les gens de l'Ukraine qui payent pour des missiles, donc les gens du peuple. Ensuite, si l'Ukraine ne rembourse pas, puis c'est vraiment donné, bien, c'est le peuple américain qui paye pour des missiles envoyés en Ukraine. Donc, des civils américains financent une guerre qui se déroule en Ukraine et on ne leur demande pas leur avis. Donc, les gens aux États-Unis n'ont pas voté pour l'implication des États-Unis en Ukraine, ni même la même chose au Canada. Là, on ne m'a pas demandé mon opinion là, par rapport à ça. Même chose pour le soutien en Israël. On ne me demande pas mon avis. Ils décident, puis les gens payent. Et la compagnie qui fabrique les armes est financée par le gouvernement américain. Et peu importe l'issue de la guerre, elle, c'est elle qui est gagnante. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une entreprise, suisse. En fait, lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Suisses étaient neutres, c'est-à-dire ils ne prenaient pas pour les Alliés ni pour les nazis. Ils s'affichaient comme étant neutres et l'avantage de leur situation pouvait faire en sorte qu'ils vendaient des canons à la fois aux Alliés puis aux nazis qui se combattaient. Donc, peu importe lequel des deux camps qui va gagner, eux autres découlent leur inventaire militaire, donc ils sont gagnants puis en plus ils ne sont pas attaqués. C'est une mécanique qui fait en sorte que certains individus tirent profit de la situation. Donc, probablement qu'Israël, si elle a été attaquée récemment, va peut-être investir à coups de millions, voire des milliards là, pour dans les prochaines semaines, les prochains mois, pour avoir une zone encore plus sécurisée. Donc, elle va investir pour des armes de combat, et ainsi de suite. Donc, c'est une mécanique, la guerre, même chose pour les forces ukrainiennes. Donc, tout ça pour dire quoi? Ben, pour dire que les jeux de polarisation amènent les gens dans des polarités, puis dans certains cas aussi à s'engager. Donc, des gens qui, lorsque leur peuple est engagé dans un combat, ils sont attaqués par un peuple rivaux avec des forces armées, ben ça fait des vocations aux martyrs. Puis quand les martyrs se font exploser avec des bombes dans l'autre peuple, ben ça fait des vocations pour que des jeunes deviennent des militaires puis fassent carrière dans le domaine militaire. Donc ça légitime tout ça et la polarité et la polarisation individuelle amène des individus à s'impliquer dans des guerres en prenant un camp plutôt qu'un autre. Et à ce moment-là, ben ça légitime des actes qui au niveau de la conscience spirituelle sont pas beaux, comme tuer des enfants, égorger des adultes, et ainsi de suite, des femmes, etc. Il y a des crimes. Puis ça, l'histoire des crimes contre l'humanité, là, c'est particulier. Je vous explique. Si, par exemple, il y a eu le massacre de Bouchard, Bouchard, peut-être que je ne le prononce pas comme faux, là. C'est pas un nom que je prononce à tous les jours là, en Ukraine, où ce qu'on nous dit que les forces russes sont entrées dans la ville, ils ont tué plein de civils, puis là, les gens arrivaient dans la rue puis disent des horreurs, il y a plein de personnes mortes qui gisent sur le sol. On dit que c'est un crime contre l'humanité, les Américains vont dire que ça n'a pas d'allure de s'en prendre comme ça à des civils. Or, les Américains, si on regarde leur feuille de route, de la Deuxième Guerre mondiale, il avait envoyé des bombes nucléaires à Nagasaki et également à Hiroshima. C'est deux villes qui sont situées au Japon. Or, si on envoie des bombes nucléaires à des villes, on s'entend que dans les villes, oui, il peut y avoir des soldats, mais il peut y avoir des femmes puis des enfants. Habituellement, dans des villes, il y a des gens de tous les âges. Or, si tu envoies délibérément des bombes sur des villes qui comportent des civils, ben, c'est une forme de crime contre l'humanité. Et là, j'imagine un avocat américain qui, si je lui tendrais ce propos, me rétorquerait du tac au tac en me disant « Ben écoutez, ça a eu lieu avant le procès de Nuremberg ». Donc, avant 1948, où la notion de crime contre l'humanité est développée. Fait que vu que c'est avant ça que c'est arrivé, ça ne doit pas être si grave. Mais les mêmes Américains ont jugé très sévèrement les nazis qui avaient tué des femmes et des enfants juifs lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui sont des populations civiles. Mais en même temps, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'il y avait un volet de la guerre, c'était les Américains contre les nazis, donc les Allemands, mais il y avait un autre volet où les États-Unis étaient impliqués simultanément donc dans le Pacifique, contre le Japon. Et pendant cette même guerre où ils accusent les nazis d'avoir commis des crimes, ben, eux autres ont attaqué Nagasaki et Hiroshima. Donc, est-ce que c'est deux poids, deux mesures? C'est quelque chose à évaluer. C'est sûr qu'en tant qu'individu, puis pendant que je vous parle, je m'observe, l'une des dimensions de ma personne, c'est le volet juge qui va peser le pour et le contre de quelque chose. Dans ma psychologie, avant d'en venir à une conclusion, des fois c'est contrariant pour les gens de mon environnement parce que au lieu de se prononcer spontanément pour quelque chose contre, je suis plutôt de dire, ben avant de prendre parti pour quelqu'un, soyons prudents. Alors, regardons comme faux les différents aspects. Pesons le pour et le contre. Ça, c'est moi au niveau psychologique. Et c'est sûr que les évaluations, les délibérations que je peux faire par rapport à un sujet, ça peut durer plusieurs heures. Là, je ne ferai pas l'étude détaillée du conflit entre les Palestiniens et les Israéliens, mais si je le ferais, ça pourrait durer longtemps pour étudier la séquence des événements, les actions-réactions d'un camp face à l'autre, ainsi de suite, pour connaître leur dynamique interactive. Mais au niveau de l'esprit, ça c'est moi dans mon côté psychologique. Moi en tant qu'esprit, c'est plus de réaliser que il y a des aberrations dans le monde, mais il ne faut pas que je tombe dans d'un gaspillage trop grand d'énergie, d'évaluation et de délibération, parce que premièrement, je ne suis pas payé pour être juge ou arbitre dans une situation. Donc, je ne siège pas à l'ONU. Je n'ai pas un rôle international de porter un regard par rapport à ces gens-là. Ce qui fait qu'en tant qu'individu, j'ai d'abord à m'occuper de la vie. Donc, regarder ce qui se passe à l'horizon en consacrant trop d'énergie par rapport à ça, c'est pas intelligent. Je suis capable d'être autocritique, mais dans le passé, j'ai beaucoup passé de temps à regarder, entre autres, la gestion de la pandémie. J'ai fait plein d'enregistrements là, sur ma chaîne, puis avec le recul, j'ai dit « Ouais, j'ai peut-être passé un peu trop d'énergie, je me suis peut-être un peu trop préoccupé de la situation. » Puis avec le recul, ben, je ramène les gens aussi qui m'écoutent, ben, la priorité dans votre vie, c'est votre vie. Et l'événementiel karmique en lien avec d'autres individus a peut-être des fonctions insoupçonnées. Parce que peut-être, à la fois du côté israélien et palestinien, il y a des gens qui, à travers les oppositions qu'ils connaissent très intenses, parce que tu as des gens qui ont perdu des membres de leur famille, des parents qui ont perdu leurs enfants, et ainsi de suite, il va y avoir des vocations qui vont se décider, être imposé à des individus à la conscience supramentale. Donc, des gens, malgré eux, vont passer à un niveau de conscience différent, c'est-à-dire des gens qui vont devenir des nouveaux initiés et que leur regard face à tout ce qui se passe présentement en termes de tensions, de conflits, va les amener à monter en conscience et de réaliser que, à quelque part, l'humanité dans laquelle on se trouve est totalement dysfonctionnelle. Et les jeux de polarisation, de nourrir la polarisation, c'est de nourrir un cirque médiatique et un cycle perpétuel de violence. Et que, à quelque part, l'individu qui est intelligent va chercher à s'exfiltrer de ce scénario évolutif, mais en réalité, je dis qu'il va le chercher. C'est-à-dire qu'il va être mis en vibration pour s'exfiltrer, se sortir de ça. Il va atteindre un état de colère mentale qui va faire en sorte qu'il n'aura d'autre choix que de sortir de tout ça. Parce qu'il n'est pas intéressé à dilapider ses énergies en nourrissant un camp plutôt qu'un autre, en nourrissant une réflexion favorable à un peuple au détriment d'un autre, à vibrer à de l'émotionnel, à être en colère si un peuple est attaqué en s'identifiant à lui, alors que de vivre un moment un moment où ce qui est en symbiose émotif avec un peuple qui dicte son état d'être, alors que l'individu qui est conscient, il est centrique, qu'il y ait plusieurs centaines de morts suite à des attaques terroristes commises sur un peuple, certes qu'il ne va pas s'en réjouir, il n'est pas sadique, mais il est lucide en disant que si ça le fait souffrir émotivement, ben, il est en perte d'énergie. Or, s'il est en perte d'énergie à ce moment-là, il est en déconnexion psychique avec l'esprit. Ah, il ne vit pas une vibration qui est très élevée sur le plan psychique. Ah, s'il n'est pas à l'unisson avec l'esprit, puis il est à l'unisson avec l'astral parce que identification à un peuple, mais à ce moment-là, l'individu n'est pas libre. Il est à ce moment-là embrigadé psychologiquement à vivre des émotions d'une manière conditionnée, c'est-à-dire conditionnelle à sa perception des événements qui est programmée par les médias qui sont sous les forces de financiers. Donc, les médias vont être financés par des publicitaires, par des instances gouvernementales pour véhiculer un narratif qui sert à un agenda politique qui permet à ces forces-là de se maintenir dans le temps au pouvoir. Le but du gouvernement, quand il fait des campagnes de promotion, de propagande de certains discours, c'est de se maintenir dans le temps au pouvoir, de légitimer ses positions. Donc, si un gouvernement prend un parti pris pour un peuple en disant « Regardez, ce peuple-là a été victime, il s'est fait attaquer les femmes, les enfants, puis on se met à pleurer, puis on fait des discours émotifs larmoyants, puis que les gens du peuple adhèrent à ça, bien, on va dire « Ben oui, il va falloir soutenir tel peuple, lui envoyer des armes, le soutenir financièrement, lui envoyer des formateurs là, pour former des soldats, et ainsi de suite. » Donc, ça légitime certaines actions, ça crée le consentement social. Ça, c'est la dynamique de qu'est-ce qui se passe. Mais la dynamique de qu'est-ce que l'individu conscient a à vivre, c'est un vide mental. Puis de regarder les choses avec une certaine froideur. Donc, c'est sûr que la personne émotive peut être déstabilisée par ça, dans le sens que une personne émotive va dire à un autre, c'est pas drôle, tel peuple a été attaqué avec des attentats terroristes, il y a plusieurs personnes qui sont mortes. L'autre va dire, OK. Puis l'autre va dire, tu réagis pas plus que ça. Non. Puis l'autre va lui dire, ben, t'es sans cœur. Voyons, y a des femmes, des enfants qui ont été tués. Puis l'autre peut lui dire, ben, le fait de vivre de la tristesse, est-ce que ça va les ramener à la vie? L'autre, c'est honnête, va lui dire, non. Ah, tu vois, à ce moment-là, si je me préoccupe d'eux autres, puis ça les ramène pas à la vie, puis est-ce que ça favorise... Un état dans lequel on va être bien dans notre peau, de vibrer tous les deux à la tristesse. L'autre est obligé de répondre non. Bon, mais à ce moment-là, ne vibrons pas à ça. Restons centriques, restons dans notre paix de l'esprit, tout simplement. Qu'il y ait des centaines de morts, puis avec les jours, ça monte un millier. Si l'individu est conscient, il reste centrique. Donc, peu importe le nombre de morts puis d'atrocités qu'on nous dit qui a été commis, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les médias, on nous dit certaines choses, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Et tant que les êtres humains sont dans la croyance, ils peuvent être manipulés. Lorsqu'il y a eu le déclenchement de la guerre en Irak, le secrétaire d'État américain, Colin Powell, avait déclaré aux membres de l'ONU et dans les médias de masse que l'Irak détenait des armes de destruction massive. Et qui s'appuyait sur des sources qui sont fiables. C'est vraiment vérifié par les gens du renseignement américain. On est sûr de ça. Ils disaient ça avec beaucoup de confiance, d'assurance. Naturellement, les Américains ont envahi l'Irak. Et par la suite, on n'a jamais retrouvé les fameuses armes de destruction massive auxquelles ils faisaient allusion. Résultat, les gens ont été mentis au niveau international. Ils ont adhéré à la croyance. Qui a permis de légitimer dans l'esprit de milliards de personnes à la surface de la Terre que les États-Unis attaquent l'Irak et envahissent le pays. Je dis des milliards, je pourrais dire des millions. Je vais être conservateur, là, parce qu'il y a des gens, probablement dans des pays du Moyen-Orient, ils ont pas été nécessairement d'accord avec ça. En fait, c'est plus les gens, les Nord-Américains, les Européens, ont dit « ben oui ». Les Américains font bien d'envahir l'Irak parce qu'ils ont des armes de destruction massive et ils pourraient commettre des dégâts importants avec ça. Donc, c'est correct qu'ils envahissent. Donc, ça crée ce qu'on appelle le consentement social du collectif par rapport à certaines actions. Donc, on nous a dit ça. Là, aujourd'hui, on nous dit que les membres du Hamas ont fait des attaques horribles, des attaques meurtrières en Israël. Or, est-ce que c'est possible que ce soit une ou des opérations sous faux drapeau ou qu'il y ait eu des opérations réelles du Hamas, mais d'autres sous faux drapeau simultanément? Donc, pour qu'il y ait des crimes commis en Israël pour légitimer par la suite des politiques plus coercitives des forces israéliennes envers la bande de Gaza, envers le contrôle de la bande de Gaza et légitimer davantage l'ingérence des forces israéliennes dans le secteur, c'est une possibilité. Il y a plusieurs scénarios sur la table et les êtres humains et les êtres aussi au niveau de l'esprit, au niveau du plan astral, au niveau du plan éthérique, sont toute une gang de manipulateurs. Mais quand l'individu est tanné de vibrer continuellement à l'émotionnel devant son téléviseur ou son écran d'ordinateur, à ce moment-là, il sature du scénario involutif. Puis il regarde tout ça froidement, comme une pièce de théâtre. Certes, il peut reconnaître que des êtres humains réels souffrent, donc la femme qui a perdu son enfant parce qu'il s'est fait attaquer, tirer dessus par des terroristes ou exploser par une bombe ou parce qu'un missile qui est atterri sur sa résidence. Certes, ça peut être un fait. Sauf que le point, c'est que de vivre un état de tristesse ou de colère émotionnelle retournée contre des individus va pas nécessairement régler le problème ou ça va pas sortir l'individu de la polarisation émotionnelle qui vise à perpétrer ou à entretenir le problème de conflit, de division, et ainsi de suite. Il faut s'élever au-delà de la conscience polarisante et polarisée pour être libre, et lorsque la personne réussit à s'élever de là momentanément, ben, de rester dans cette zone psychique de liberté, en dépit de la tournure des événements dans les prochaines semaines, les prochains mois, la possibilité d'escalade de conflits au Moyen-Orient, puis l'escalade des conflits naturellement aussi là, en Europe de l'Est là, par rapport à l'Ukraine, puis par rapport aux conflits qui pourront avoir cours dans l'avenir. L'individu vit d'abord par rapport à lui, puis son rapport avec l'esprit. Donc ça, c'est l'essentiel. Ce qui se passe au niveau du collectif concerne le collectif. Certes, il peut y avoir des agendas évolutifs et des programmations qui amènent certaines consciences à passer au second niveau en étant exposées à des événements en choc relatifs au collectif. Mais éventuellement, l'individu n'a plus besoin de passer à travers l'exposition des événements en choc pour passer une conscience plus vaste, plus grande. Il n'a qu'à être à l'écoute de lui-même, dans son oratoire intérieur, c'est-à-dire dans sa psyché, dans sa conscience. Bon. J'ai fini de dire ce que j'avais à dire en lien avec les jeux de polarisation collectif. Donc, je vais continuer de regarder les choses d'une manière détachée, d'une manière calme, puis de m'occuper de mes choses comme me faire à manger, faire ma vaisselle, m'occuper des choses pratiques de la vie, qui, à mon avis, c'est des jeux de manipulation psychologique que fait le collectif pour tout le temps garder l'individu occupé dans son temps de cervelle, à s'occuper ou à avoir son attention sur certains événements, alors que d'autres événements qui jouent à son désavantage ont cours simultanément, mais qu'il ne voit pas car il est aveuglé à se préoccuper du malheur des autres à l'autre bout du monde. Donc, c'est sûr que mon propos est très individualiste, j'en suis conscient, mais mon message, je suis un peu orgueilleux de dire que c'est mon message, mais ce qui me passe dans la conscience à être communiqué, ça revient souvent à travers mes enregistrements, c'est que la conscience est individuelle et que l'individu a à s'occuper d'abord d'être dans la paix de l'esprit et de son individualité. Et tous les désordres collectifs, avec le temps, éventuellement vont être appelés à s'ajuster. Ouais. Mais dans son temps, ça prendra le temps que ça prendra, c'est ainsi. Dans un autre ordre d'idée, j'ai écouté le docteur Mayhew, psychiatre québécois, commenter la crise actuelle là, dans la relation entre Israël et la Palestine, et je rejoins son avis, c'est-à-dire que lui, ce qu'il dit, c'est que l'ONU qui a engendré l'État d'Israël suite à la Deuxième Guerre mondiale, où les Juifs d'Europe ont été en Israël pour y faire un pays, en s'appuyant comme élément pour fonder le pays, la religion juive. Eh bien, l'ONU pourrait mettre en place la solution à la problématique actuelle qui repose en lien avec des oppositions de religion. Parce que d'un côté, il y a des gens juifs qui ont été amenés sur un territoire alors qu'il y avait des musulmans. Mais si Israël prendrait la tutelle d'Israël pour en faire un État laïque, donc avec des institutions laïques, au lieu que ça s'appuie sur une religion qui nourrit de la polarité, ben, à ce moment-là, c'est possible que ça puisse être une solution, dans le sens que au lieu qu'il y ait d'un côté des gens qui sont juifs, puis d'un autre en Israël, puis d'un autre côté en Palestine, des gens qui sont musulmans, ben, si tous les gens qui étaient sur le territoire étaient rassemblés ensemble, avec comme base commune la laïcité, pour qu'ils fonctionnent en société et que les institutions soient laïques, eh bien, ça se peut que ça puisse être une possibilité de solution qui amène les gens à fonctionner au-delà de la forme de la religion et de la polarisation que ça peut générer. Parce que dans le passé, il y a eu des guerres de religion là, pendant plusieurs époques. On pense entre autres au Moyen-Âge, et ça a duré longtemps. C'est des guerres, comme les gens s'identifient à des religions, ben, ce que ça crée, c'est que ça crée des polarisations à long terme. Alors que si les gens sont amenés à fonctionner avec des institutions politiques laïques, ben, à ce moment-là, ça ramène la religion au vécu privé. Pour les gens qui veulent continuer à la pratiquer, et l'État se distancie de ça. Donc, dans le cas présent, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, là, je rejoins son propos, et c'est sûr qu'il est possible que dans l'avenir, les politiques mises en place au Québec pour favoriser la laïcité d'État soient peut-être même un exemple à suivre pour Israël. Donc, suite à la Révolution tranquille où la religion était omniprésente ici au Québec, la religion catholique, bien, au fil des décennies, eh bien, ce qui est arrivé, c'est qu'une laïcisation progressive de l'État, à un point tel que le crucifix a été enlevé de l'Assemblée nationale, et il y a eu une modernisation des États pour permettre à des gens de différentes religions de vivre ici. Il y a des gens qui sont catholiques au Québec, des gens musulmans, des gens qui sont juifs aussi, et ainsi de suite. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, les politiques de laïcisation au Québec dans les prochaines années, les prochains siècles. Et peut-être que ça sera un modèle à suivre pour d'autres peuples. On verra. Sinon, en lien avec l'essentiel du propos de l'enregistrement à présent, ce que je veux dire, c'est que je suis tanné d'entendre des journalistes et des politiciens qui disent qu'ils parlent au nom de tous les Canadiens ou tout le monde. En fait, ils ne parlent pas à mon nom. Quoique je peux me distancer du rôle de Canadien en disant que ça ne me concerne pas, là. Mais si, parce que des journalistes, pour aller chercher l'adhésion des gens à un récit, ils vont dire, par exemple, tout le Canada a été ébranlé, a été troublé d'apprendre qu'il y a eu des attentats terroristes dans un autre pays, ou tout le Québec, par exemple, une formule qui est souvent utilisée dans les médias de masse comme TVA, a été bouleversé d'apprendre la mort d'un jeune enfant. Donc, on cherche à nous inclure dans des tragédies, on nous cherche à induire des émotions comme tristesse, en lien avec certains événements chocs, que ce soit local ou international. Alors que quand j'écoute ces bulletins de nouvelles-là, je cherche toujours à me distancer de ça en me disant, ben, est-ce que je suis ébranlé comme on me dit? Parce qu'on cherche à induire l'idée que j'ai été ébranlé comme tout le monde, alors que non. Mais c'est une façon de créer ce qu'on va appeler des bulletins de nouvelles qui amènent l'adhésion de l'auditeur à un récit et brasser des émotions. Donc, créateur d'émotions là, au sein de l'auditoire pour donner un sentiment d'exister qui se substitue à travers cette hypnose collective au sentiment réel d'existence qui consiste à déployer une intelligence créative dans sa vie de tous les jours. Donc, le réel de l'individu doit s'appuyer et son sens de l'existence sur l'expression de son intelligence créative et non pas l'induction d'émotions qui sont préfabriquées par la machine médiatique à l'extérieur de lui. C'est la nuance que je peux apporter. Donc, je vais compléter cet enregistrement. Merci de votre écoute. Au revoir.